Désolé si je te l'apprends, mais t'es qu'un robot. T'es pas plus vivant qu'un héros de jeu vidéo. Le naturel dans nos vies n'existe plus. Notre instinct est même devenu un élément superflu. L'œil du triangle a bien accompli sa mission. Si t'es calé sur le sujet, t'as compris ma vision. Le matin, tu te lèves, te laves, tu t'habilles, prends ta caisse et puis tu pars au taf. T'es comme tes parents braves et tes enfants le seront. Chaque génération refermera la boucle de ce rond. Cercle infernal, on est depuis des siècles enfermés dans un quotidien banal, t'es-tu vraiment questionné? Certes ça fait mal depuis le début, tu te fais berner par le système, au final t'es qu'un robot conditionné.